Un BCE n'a pas de meilleur qu'à déstressé. Pas fini pour jouer, nous qu'à dégainer. Nous qu'à passer la soirée alcoolisé. Parce que tu m'as ne pas connaître fatigué. Un BCE n'a pas de meilleur qu'à déstressé. Pas fini pour jouer, nous qu'à dégainer. Nous qu'à passer la soirée alcoolisé. Parce que tu m'as ne pas connaître. Meilleur maman de la réseau. Ouais, je viens, t'es fatigué, t'ambiance, c'est chambé. Totalement défoncé, t'inquiète, c'est ta soirée, t'as craqué. Merci, c'est l'heure d'envoyer. Blackout, j't'ai saucé. Ça te plaît, posé dans le carré VIP, ouais, tu le sais, ça va péter. Quand tu sais que t'es la go la plus chargée de la soirée. C'est l'heure de la guerre, sois pas timide, c'est nos limites. Nous, on t'a dit qu'on arrive pour foutre la merde. Des bouteilles à ta table, et ouais, tout est clair. C'est maintenant, resserre-toi, nous, on fait pas de garage. Ce soir, c'est carnage. Imbécile, c'est Dixie, on t'a dit qu'on arrive. Imbécile, oh, nous, pas de milieu qu'à déstresser. Pas fini pour jouer, nous, qu'à dégainer. Nous, qu'à passer la soirée alcoolisé. Parce que tu m'as ne pas connaître, fatigué. Imbécile, nous, pas de milieu qu'à déstresser. Pas fini pour jouer, nous, qu'à dégainer. Nous, qu'à passer la soirée alcoolisé. Parce que tu m'as ne pas connaître, si on dit. Et tu better que toi, tu better que toi, et tu better que, tu better que, tu better que toi. Un petit disco, Jix, il met en position. Je l'ai déjà dit, sois pas timide, c'est ça la solution. La demoiselle les frais, je mets ses fesses en location. Un 20h qui croque de mon innovation. Main à terre, c'est du fesse en l'air. Main à terre, c'est du fesse en l'air. Main à terre, c'est du fesse en l'air. Pas fini pour jouer, nous qu'à dégainer. Nous qu'à passer la soirée alcoolisé. Parce que tu m'as ne pas connaître, fatigué. Imbécile, nous pas de milieu qu'à déstressé. Pas fini pour jouer, nous qu'à dégainer. Nous qu'à passer la soirée alcoolisé. Parce que tu m'as ne pas connaître, siroté. Il est